Loin de te parler, mon âme sœur, est-ce que je peux me taire? Yeah, let's game. Je pourrais te parler pendant des heures, mais est-ce que tu vas m'écouter? Je peux m'écouter. Laisse-moi finir sans me couper. Est-ce que tu peux m'écouter? Tu peux m'écouter. Ce que je ressens, je peux te le dire, mais moi je veux pas te blesser. Pas de blesser. Si t'en discute, pas de dispute, mets ton ego de côté. On avance à deux, ou je finis seul. Après toi, y'aura personne. En amour, j'ai trop donné. Je vais finir le cœur cassé. Et sur la route, je réfléchis. De partir ou de rester. De partir ou de rester. Pour l'instant, je suis indécis. Yeah. T'es à moi, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Moi, je veux savoir. T'es à moi, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Ma baby, babe, qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment de changer. Je crois qu'on est en danger. Ma baby, babe, qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment de changer. Moi, je crois qu'on est en danger. Moi je veux pas 50-50, je veux que tu m'aimes, que tu m'aimes. Si tu veux pas me donner ça, faut que tu laisses. Donc si tu pars, je serai seul avec mon oseille. Je retournerai dans le Banks, je retournerai dans le Banks. J'ai fait la reggae pour qu'on ait la paix. Mais j'savais pas qu'à la maison j'allais tomber sur la troisième guerre. Trop de love et de compliments, voilà maintenant tu fais la bête. Là je crois plus trop en nous, je suis à deux doigts d'y mettre un terme. Ouais, let's go. Si je pars, t'auras trop de regrets. Et pas seulement tu sais que je t'aime. Et pas seulement tu sais que je t'aime. Un peu de toi, un peu de nous. Et peut-être qu'on pourra arranger ça. Pourrait arranger ça. Yeah, t'es à moi, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Moi, je veux savoir. T'es à moi, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Ma baby, babe, qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment de changer, je crois qu'on est en danger. Ma baby, babe, qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment de changer, je crois qu'on est en danger. Moi je veux pas 50-50, je veux que tu m'aimes. Je veux que tu m'aimes. Si tu veux pas me donner ça, faut que tu l'aimes. Donc si tu pars, je serai seul avec mon oseille. Je retournerai dans le Banks, je retournerai dans le Banks.